Oyez, oyez, en ce 21 mai 2016, pour la 4e année consécutive, des citoyens du monde entier feront converger leur lutte contre Monsanto et les multinationales de l'empoisonnement, pesticides, OGM, lors d'une journée mondiale de marche et d'action. Une trentaine de villes françaises se mobilisent. Notre santé passe avant leur profit. Ces rassemblements sont l'occasion de dénoncer collectivement une agriculture intensive, usant de semences génétiquement modifiées, OGM, et dépendante de pesticides toxiques, Roundup, sous la coupe de multinationales, s'appropriant le vivant des semences et menaçant la souveraineté alimentaire des peuples. Les citoyens sont également préoccupés par les conséquences sanitaires qui pèsent sur eux et leurs enfants, du fait de la dispersion incontrôlée de milliers de molécules chimiques dans l'environnement. Pesticides, perturbateurs endocriniens, la situation est d'autant plus alarmante que la France est le premier consommateur européen de pesticides et le troisième au niveau mondial. Faire pression pour une agriculture relocalisée et écologique devient vital. Nous demandons une agriculture relocalisée, écologique et productive, capable d'assurer aux producteurs un revenu juste et aux consommateurs des produits sains et accessibles à tous les budgets. Nous réclamons une agriculture transparente et sans OGM, ni dans les champs, ni dans l'alimentation animale, ni dans notre assiette, grâce à un étiquetage adapté sur tous les produits alimentaires, y compris les œufs, les produits laitiers et la viande issue d'animaux nourris aux OGM. Nous réclamons également les plus stricts critères de transparence sur les nouveaux OGM cachés, comme par exemple ceux issus de la mutagénèse. Autant de formes qui ne pourront être mises en place si la France et l'Europe persistent dans leur volonté de signer un accord de dérégulation commerciale avec les États-Unis, comme le TAFTA ou le TTIP. Nous réaffirmons notre opposition à ces traités qui soustraient le pouvoir des mains du peuple pour le placer dans celles des multinationales qui exploitent l'homme comme le vivant. Afin d'exprimer toute notre détermination, nous ne nous contenterons pas de marcher en ce 21 mai. Il se passera aussi des actions d'interpellation directes qui placeront les multinationales, distributeurs, producteurs et élus devant leurs responsabilités. Alors, aux graines citoyennes, vite, car sinon, voilà ce qui risque de nous arriver. Vive le vent de Monsanto. Un jour, une firme trouvera le moyen de nous vendre l'air que nous respirons. Cette firme deviendra très riche et beaucoup de gens mourront. Un autre jour, une autre firme réussira à déposer un brevet sur les nuages et la pluie deviendra payante. Les orages rapporteront des sommes colossales. La sécheresse n'aura plus de prix. Elle appartiendra à une troisième firme qui fera également beaucoup d'argent et des millions d'autres gens mourront. Alors, une firme encore plus grosse, la plus grosse parmi les plus grosses qui vend déjà très cher ce que la nature offre gratuitement à tout le monde, les rachètera toutes les unes après les autres. Ses bénéfices seront multipliés par 300, 1000, 1 million, 2 milliards, 2 milliards, et il y aura encore plus de morts. Les gens disparaîtront les uns après les autres pour le bien de l'économie et des finances, pour la survie des trusts et des multinationales. L'industrie sera sauvée. Sous la pression des cartels, les parlementaires voteront la privatisation du vent. Les élus du peuple vendront le ciel et les oiseaux à des compagnies privées. Ils placeront sous licence les étendues lointaines et les vallées profondes. Ils céderont les montagnes avec les dahus dessus et les océans avec les poissons dedans. et les rivières, les forêts, les lacs, les jardins, les ruisseaux, les éléments, l'espace et le temps immuables. Avec la bénédiction des gouvernements, leurs créanciers brevetteront le soleil, la lune et les étoiles. La Voie lactée deviendra la propriété exclusive des consortiums et des holdings. Le silence éternel de l'espace infini sera soumis aux droits d'usage. La nuit deviendra source de profits gigantesques. Les galaxies rapporteront des milliards. Les actionnaires deviendront de plus en plus riches, de plus en plus puissants. Rien ne les arrêtera. Un nombre encore plus considérable de gens disparaîtra de la surface du globe. Ce point minuscule, perdu dans l'univers au milieu de l'immensité brevetée. Les survivants seront taxés sur la misère. Pauvreté et famine deviendront propriété exclusive des grandes entreprises internationales et des organisations humanitaires. Les fondations caritatives se partageront les bénéfices dans les paradis fiscaux au profit des conglomérats et des complexes industriels. Les gens ne pourront bientôt plus périr sans s'acquitter au préalable de la redevance sur le droit d'exister. Plus rien ne leur appartiendra, jusqu'à leurs pensées les plus secrètes et leurs songes les plus profonds. La planète entière deviendra la propriété intellectuelle des sociétés supranationales. Les espoirs de l'humanité en un monde meilleur ont été déposés et brevetés pour les siècles des siècles. L'avenir sera définitivement scellé. Les gens s'éteindront lentement. La mort elle-même n'aura plus de prix. Monsanto aura tout dévoré. Si nous n'y prenons garde, il ne restera bientôt plus rien ni personne qu'un peu de poussière à léguer à vil prix à nos enfants et aux enfants de nos enfants. En attendant, la mer monte. Vendée. Monsanto, ouvrez! Que vous trouvez le plus important dans la vie? Le plus important, être libre. Et bien tous les chants. C'était comme chacun, c'était comme un vers du poème. Oui, comme un jardin. Oui, ils avaient tous des noms. Mais maintenant, puisqu'on a abattu des talus, il y a 3, 4, 5 chants dans le même champ. Allez chercher le nom maintenant parmi tout ça. Ce sont des enfants perdus. Oui, ma foi. Et qu'il y avait des jolis noms aussi. La fête va commencer, la rue nous appartient. Il y aura de la joie tout le long du chemin. On se déguisera pour mieux être soi-même, pour enfin dire et faire les choses qu'on aime. Des chansons entournées par une foule d'anciens. Certains y vont aussi de leurs petits pas de danse. D'autres redécorent déjà les édifices. Vive les feux de joie et les feux d'artifice. On ressent comme une envie de se laisser aller. Laisser la place aux rêves dans la réalité. Trouver des camarades avec qui festoyer. La vie ne sera plus jamais comme elle était. La fête peut commencer, le cortège commence à prendre de l'ampleur. La joie, les rires effacent les peurs et les pleurs. On va mettre la ville en effervescence, qui n'en a jamais rêvé depuis son enfance. Les sens sont activés, les corps sont en ébullition. Les gens sont captivés, on sent comme une émulation. Tout le monde est déguisé, on stoppe la circulation. On est surmotivé pour vivre la situation. On ressent comme une envie de se laisser aller. Laisser la place aux rêves dans la réalité. Trouver des camarades avec qui festoyer. La vie ne sera plus jamais comme elle était. La fête peut commencer. La fête peut commencer. Pa-da-da-da-da, pa-pa-da-da. Une histoire rigolote. Des jolies plantes vertes arrosées de brandor. Une vinaigrette au glyphosate agrémentée d'un soupçon de sulfate. On nous disait l'agent orange est sans danger. Et puis la même chose pour les PCB. Voilà qu'à présent il se ramène pour nous faire bouffer des OGM. Oh, j'aime mon écosystème. Monsanto, Monsanto, tu m'emmènes en bateau. OGM a bien triste thème. Monsanto, Monsanto, le peuple aura ta peau à fond. force de semer la dépendance. Ne plus penser qu'à grossir ses finances. Il nous envoie tout droit vers la potence. Et il nous enverra à la quittance. Il s'est déjà approprié l'Argentine, America, Canada et la Chine, l'Afrique du Sud et les Philippines. Pas étonnant qu'il soit dans vos cuisines. Oh, j'aime mon écosystème. Ensemble, moi, sans toi, tu nous mènes en bateau. Oh, j'aime un bien triste thème. Ensemble, moi, sans toi, le peuple aura ta peau. Sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent que je brevette. Des reproches, on m'en fait trop. Qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraînées. Des OGM à l'agent orange, en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés, ainsi que mon attitude hardcore envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar, alors je suis partout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine, faut que ce monde, je le mine, que son avenir, je le dessine. Pour ça, je suis toujours prête à jouer à l'assassine. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines. Car oui, je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération. Voilà ce qui se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre un dollar. On en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant. Faire main basse sur la vie, on me le reproche souvent. Certains se mobilisent, me diabolisent et me résistent. Combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste? Je ne m'en fais pas tant, dans quelques temps de moi vous dépendrez. Pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés, intégrez ce cercle vicieux, j'assombrirai votre futur. Le contrôle des semences et celui de la nourriture, c'est ma stratégie, plus puissante que les armes, plus puissante que les bombes. Oui, ma philosophie gronde, elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. La domination est l'objectif de ma politique. Elle n'a pas de prix ni moral ni éthique. depuis quand l'éthique est-elle rentable? Jamais. Mais si un jour elle l'est, profité, elle le sera aussi. Je m'en fous des critiques d'être lamentable. Je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. Vous avez cerné qui je suis, j'espère. Parce qu'à être la plus réputée, j'aspire. Tout comme dominer l'avenir de cette humanité. Sur qui je suis prête à tout pour faire l'unanimité. Mais c'est difficile quand on porte sur le dos toute l'histoire de Monsanto. Que de la vie, du monde et son avenir, on est les véritables bourreaux. Oui, les véritables bourreaux. Vous avez bien en tête que tous ces OGM que je brevette ne sont en fait qu'une corde au cou des paysans. Une corde que je tiens comme une laisse. Une corde au cou des paysans. Une corde au cou de l'humanité. Une corde que je tiens comme une laisse. Reçois l'amour de tes enfants qui veulent retrouver ton sein, qui viennent se connecter ensemble pour retrouver le grand un, qui ont conscience que nous sommes tout et qu'à la fois nous ne sommes rien, qu'on te doit tout. Chère maman, déjà mère de nos anciens, pardonne le monde et son ego, bien trop ingrat pour voir le bien. Louons ta gloire et ta splendeur pour préparer le jour prochain. Tu es la reine, la mère chérie, martyrisée par nos engins aux vibrations bien trop pur pour nos âmes de demi-humains. Reçois l'amour de tes enfants qui ont conscience et intuition, qui malgré les interférences n'ont pas oublié la mission. Chevalier dans la brume qui entend sonner le glas, levant un sabre de feu devant un paradis de glace. Pardonne-nous la division, Diablo a bien fait son travail. On a retrouvé ta chaleur sous leurs pétons et leurs gravats. C'est que le charnier, c'est le changement qui vient frapper à notre porte. Accueillons-le, le cœur léger, pour passer à une autre époque. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama. Jusqu'à étouffer ton sort, te détruise pour du papier, pour souiller tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier, ressentent ta souffrance. Aujourd'hui ils sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence, c'est charmé par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses, ils sont gardés sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le poing levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi, tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rapport, ils t'ont condamné à mort, ils nous ont condamnés à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Que l'homme au terre ne veut pas voir. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets, chacune de tes espèces. Terre, mer, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs, exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs, torturés et meurtris dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Sois respecté, que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol, ton recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonnait ton air, souillait tes océans, tes rivières et tes mers, et on vampirisait ton sang. Ils ont fracassé tes saisons, dérégler ton climat, nous ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama, soja transgénica, 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá su lugar. Glifosato matando a la tierra, toda la especie que solían crecer ya no volverá. Mientras tanto las multinacionales, de la vida de millones, su bolsillo llenará. Thank you. su maldita soga transgénica. 4 años, campo de basura. Poco a poco un desierto habrá su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales. Su bolsillo llenará cochofas. Mando el ecosistema y la reserva natural. De grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular. Historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Sigue talando bosques porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen muchos más quieren ver. Más y más de lo que hacen muchos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden muchos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a vender. Lo que digo es lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero. A mi trazo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. Hey. Yes, I'm original, mysticaliste, car on prend le flambeau contre toi, Monsanto. Ta volonté de tout contrôler. Depuis des années, tu viens nous empoisonner. Ton jeu est démasqué, il est temps de payer. Tu m'as récolté ce que tu as semé. Monsanto, on aura ta peau. Oh yo yo yo, Monsanto. On n'est pas idiot, non, non, non, non. Devant le danger du PCP, pourquoi cacher la vérité? Notre terre est contaminée, ça c'est clair, ton poison s'est propagé. Je t'en parle, j'ai fait mal, mais tu le sais. Notre chaîne alimentaire est totalement infectée. Oh yo, nous sommes condamnés à consommer un putain de cancer nocif à notre santé. Monsanto, on aura ta peau. Oh yo yo yo, Monsanto, on n'est pas idiot. Non non non non. Éclaircis ton âme. Il y a 50 ans durant la guerre du Vietnam, un agent dépouillant se déversant, c'est un dame. Je te le dis franchement, cela a tourné au drame. Tout sur son passage, des innocents en ont fait l'apprentissage. Et malgré le temps, le mal est encore présent. Au nom de l'agent, c'est vraiment répugnant. Monsanto, on aura ta peau. Yo yo yo, Monsanto, on n'est pas idiot. Non non non non, tu nous mets des OGM dans nos assiettes. Mais qu'as-tu dans la tête? C'est quoi ce bordel? Modifier l'ADN n'est pas naturel. C'est vraiment suicidaire, pense aux effets secondaires. Wow, j'ai appris que tu peux prendre en otage le paysan local de tes produits chimiques. Mais brûler la vie n'est pas permis. Toucher la génétique, c'est vraiment diabolique. Monsanto, on aura ta peau. Oh yo yo yo, Monsanto, on n'est pas idiot. Non non non non. Thank you. better air. A freedom fighter for the earth, a freedom fighter. La nature nous a donné un cerveau, l'encre coule sous la plume de mon stylo. Ma principale arme est le micro, pour plus d'humanité et moins de mégalos. Je vais pas te redire et te refaire la même rengaine. Écologie protège la terre, dans leur sphère le ministère, leur grenelle. Aïe, les lobbies s'emparent d'elle, mais ma mission est pour prêcher le naturel. La terre est si belle et ils se l'approprient. Prise de conscience, l'humain reste dans l'oubli. La place de l'homme en osmose avec la nature, pas dans leur système économique, leur culture pleine d'OGM. La vie de nos enfants sera dure, sera dur. Consommation d'aliments modifiés génétiquement, un centre Fireburn. Pourquoi tu mens? Le ministère donne bonne conscience, c'est accablant. Le ministère donne bonne conscience, c'est accablant. Freedom fighter for the earth, freedom fighter, hey. Freedom fighter for the earth, freedom fighter, hey. La nature nous a donné un cerveau, l'encre coule sous la plume de mon stylo. Ma principale arme est le micro, pour plus d'humanité et moins de mégalos. La goutte d'eau coule sur la feuille, besoin vital de se ressourcer. L'eau c'est la vie, l'arbre c'est la vie, les cellules se multiplient à l'infini. La beauté de la nature, croire en elle, même si ta vie est dure, elle ne tient parfois qu'à un fil. Seulement pour les lois de la nature, oh pour les lois de la nature. Juste des besoins vitaux, voilà c'est différent de pour les animaux. Si la nature leur a donné un cerveau, on l'utilise au maximum pour faire monter le niveau. On pense, on réfléchit, mais l'homme ne serait-il pas comme la goutte d'eau? Satisfaire ses besoins, celui des autres, c'est déjà trop, c'est déjà trop. A freedom fighter for the earth, a freedom fighter, hey. A freedom fighter for the earth, a freedom fighter, hey. La nature nous a donné un cerveau, l'encre coule sous la plume de mon stylo. Ma principale arme est le micro, pour plus d'humanité et moins de mégalos. Ce texte replace simplement l'être humain au milieu de la vie, profitez d'elle, elle est si belle. Je ne vais pas me borner à de banales morales. Ma vision de l'homme, c'est le naturel, c'est normal. Ma vision de l'homme, c'est le naturel, c'est normal. Ma vision de l'homme, c'est le naturel, c'est normal. Oh mama Earth, oh mama Earth, oh mama Earth, oh mama Earth. A freedom fighter for the Earth, a freedom fighter, hey. A freedom fighter for the Earth, a freedom fighter. On se fout qu'il a, fout qu'il a, fout qu'il a, fout qu'il a, fout qu'il a, fout qu'il a, fout qu'il a. Onana wo nana wo yo yi onana wo nana wo nana wo nana wo yagissons, wo y réagissons. Une pure combinaison pour ensemble danser sur ce son. Ouais wo yagissons, wo y réagissons. Tendez bien les oreilles, c'est pas les patchés en action. Et wo yagissons, wo y réagissons. J'ai rêvé qu'on pouvait tous vivre ensemble sans animosité. J'ai rêvé dans les cités, tout le monde sur le bambolo danser. J'ai rêvé que le monde avait changé, que la France colorée métissée. Tous ensemble on l'avait fondée dans cette utopique unité. Et plus jamais de conflit de génération, plus jamais de caméra, moins de flics, moins de discrimination. L'action, la lutte, la contestation avait fait trembler la nation. Des esprits forgés de conviction avaient réussi leur mission. J'ai rêvé qu'à deux on s'arrachait dans le taxi rouge pour palimer, pour s'assurer que la soirée n'est toujours que j'ai ces petits tôt volés. J'ai rêvé d'Afrique incipière, savoir faire culer la misère. Tout le monde regardait la terre-mère et pas pas comme aujourd'hui, le contraire, j'ai rêvé d'un monde idéal. Je me suis réveillé, j'avais mal, comme la douleur du général qui voit que l'adversité s'installe. L'intérêt pour l'homme ici bas s'oppose à la vision religieuse d'homme céleste. De l'eau, de la raison, nature, liberté, vérité contre dogmatisme. Contre les autorités secrètes, un antagonisme face à l'absolu. Et si on est barré, on est critique contre les institutions politiques. On a une volonté par où régir l'exaltation suprême de notre opinion comme arbitre infaillible. Les mœurs, on est là pour les juger et pour s'opposer à la tyrannie des préjugés. On veut changer la manière commune de penser, prôner les idéaux de tolérance et fraternité. L'opinion publique veut se soustraire à l'emprise de l'État. Elle a un souci de savoir et d'utilité ici-bas. Il faut lier les hommes par un commerce l'idée avec raison fondée sur l'expérience main de posséder. Agissons et dansons sur ce son. Ce petit couplet court qui vient couper court aux préjugés qui parcourent la tête de la majorité des gens. Et même t'es plus déjanté, t'es plus gentil aux dirigeants. Je connais Rick dérange et génère la fin des fausses idées qui font que les cons du genre dégénère. On compose et pose notre prose pour la bonne cause, c'est pas grand chose, mais on s'engage même si on sait qu'on sera jamais célèbre. Quand on nous voit, on dit regarde, célèbre, tous célèbres qui parlent et la critique s'élève. En vérité, c'est le processus de haine qui s'accélère. On joue pas avec Moïse ou MIC, même si c'est un nom de messie. Je suis pas prophète, mais poète, et si tu crois que je peux pas m'immiscer dans ton esprit, laisse-toi faire et je ferai toi un initié. Tu croules sous une déferlante de rimancier ou ancien, je sais, mais j'aime pas, c'est pour un romancier. Pour ça, j'ai pas besoin de me sentir fier ni de m'identifier à l'image du gangster qu'on a mystifié. Je suis juste un rimeur éclairé, comme à l'époque des Lumières, créateur de vers dans la langue de Molière. Tour à tour prédateur ou éducateur, la plupart du temps prédicateur sur un instru dictateur, toujours à l'heure pour te dire t'as tort. Nous seulement d'ordre sont d'avancer, lutter pour mieux décider de ce que seront nos vies, les chemins qu'on aura tracés. Et pas suivi comme un troupeau de jeunes moutons affolés. On a tous une conscience, faut savoir la faire marcher pour tous les autres. J'ai pas conseil à vous donner, vous avez fait vos choix, ce sera plus dur d'après les assumer. Car moi je sais que mon futur n'est pas dansé, du moins pas comme celui des voisins, mais comme celui des amis avec lesquels j'aimerais passer le reste de ma vie, avec lesquels on sait déjà tout compris. Quelques mots sont là pour que tu nous comprennes aussi. Oh oh. Choisir sa voie, décider de ce qu'on sera, c'est rapporter tout à chacun le tuer, ne pas se tromper de chemin. Choisir sa voie, décider de ce qu'on sera, et pas attendre tellement que ça se passe, espère on pousserait par la race. Bien nouvelle de la terre, moi vu d'en haut j'aurais déjà lâché l'affaire. Et moi même si je suis enfant de Babylone, j'entends encore en moi un cœur qui résonne. Ton argent est impur, car tes mains sont sales. Comment se fait-il que moitié du monde crève la dalle? Moi je suis sûr qu'un jour à mais qui dit lutte ne dit pas penser en des balles. L'ordre 2013, c'est un crois ma vie est le triage sans force. Parce que tout le monde a l'air. Weg bei den Menschen, die protestieren, einfach oben nach unten wird globalisiert. Gewinner, Verlierer, vermerken, die geht immer mehr merken, dass es so nicht funktioniert. Wann bin ich jetzt und wo bin ich hier? Wer bin ich hier? Wir haben nichts zu verlieren. Zeit für was Neues, für neue Ideen. Also Leute, los geht's! Gemeinsam alle! Alle! Alle! C'est la veille d'une explosion. Partout y'a des gens qui ont de la colère. Ils sont plus prêts à vivre dans la misère. Ils désistent, ils financières. Les gens se révoltent, ils se lèvent plus. Allez, tu peux créer un changement. Déjà perdu assez de temps. Il faut pas hésiter, fais le premier pas. Ici, aujourd'hui, maintenant et là-bas. Nous tous ensemble, toi, lui et les moi. On va avancer, allez, on y va. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, on va tous chanter, ouais, on est prêts, on va pas plaisanter, non, non, non, on va tous avancer, ouais, on est prêts, on va pas plaisanter, on est prêts à bouger. Allez, wir bauen jetzt Funkhaus, schlagen Alarm aus dem Funkhaus. Allez, uns geht in die Luft aus, bringen unsere Message weltweit im Umlauf. Wir rennen, wir kennen keinen Stillstand, neue Ideen sprengen jeden Bildrand. Zusammen verlassen wir den Holz, wir geben nicht auf, bis die Welt auf den Kopf steht. Allez, allez, allez, allez, con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por la vida, veo madres con ovarios resistiendo en la vía, me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y aficida, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo grito, fuera. Te lo digo, te lo canto, te lo grito, fuera Monsanto. ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la sota y del sucio de Ansari. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente me formando y a poco un tanto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Fuera Monsanto. Te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo grito, fuera Monsanto, te lo digo, te lo canto, te lo grito, fuera Monsanto. Les deux mots d'amour, mais derrière les petits fours, les vautours cachent un compte à rebours. Gagner, gagner toujours plus, et la plus question d'amis, c'est l'univers capitaliste, royaume hypocrite de l'industrie. Royaume hypocrite de l'industrie. Royaume hypocrite de l'industrie. Sans aucun remords, pendant que le monde se meurt chaque jour, ils crament leur putain d'argent, le dissémine au gré du vent, tout ça pour briller sur des yachts flambant neufs, au large d'une plage dorée, faite de pétasses et de paniers. Combien de temps encore? Combien de temps allez-vous rester les bras croisés à regarder le monde crever de faim, des enfants vous supplier de ne plus combattre pour rien, des milliards de malheureux pour le seul plaisir de vos yeux, même si vous les ignorez, moi je ne vois que, moi je ne vois que. Arrêtez de prôner l'amour, la gloire et la beauté. Notre putain de monde n'est fait que de misère et de pauvreté. Pendant que l'amour vacille au rythme des guerres et des paix, c'est l'ensemble du globe qui entretient sa sainteté. Qui entretient sa sainteté. Allez-vous rester les bras croisés à regarder le monde crever de faim, et les enfants vous supplier de ne plus bombarder pour rien, des milliards de malheureux pour le seul désir de vos yeux, même si vous les ignorez, moi je ne vois que. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps encore? Combien de temps encore? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps encore? Encore combien de temps? Combien de temps encore? pas souvent de sacrés militants qui portent le flambeau de la défense des rues. Oh, car pour les citadins qui achètent leur pain, faut bien des paysans qui cultivent l'ingrédient. Faut pas s'étonner quand un jour ces braves gens se mettent en commando pour démonter McDo. Et leur meilleur soutien face aux Américains, c'est le boycott géant de leur faux restaurant. José Bové, on est à tes côtés. José Bové, même si t'es enfermé. José Bové, chaque mois qui passera. José Bové, un matin tombera. 1, 2, 3, 4. Pareil pour les enfants, McDo est amusant. Y'a des jeux, des cadeaux qu'on leur file au kilo. Faut-il trouver ça bien pour nourrir les gamins qui avoir recours pour qu'on ait la paix un moment. Mais je dois dire qu'heureusement, il y a nos militants qui ont plus de cerveau, osant défier McDo. Car si pour nos gamins, on veut les nourrir bien, achetons paysans, on vivra plus longtemps. José Bové, on est à tes côtés. José Bové, même si t'es enfermé. José Bové, chaque fois que tu passeras. José Bové, un McDo tombera. 1, 2, 3, 4. Et comme à présent, Bovier passe en jugement avec son commando devant des juges impartiaux. Voyez ce qui serait bien, c'est qu'on leur tende la main pour dire même en gueulant que vivent les paysans. Car s'il faut maintenant qu'on soutienne ces gens, c'est que cette fois c'en est trop, qu'il aille pas au cachot. Car un McDo en moins, c'est l'ouverture demain d'un meilleur restaurant où on mange plus sainement. José Bové, on est à tes côtés. José Bové, même si t'es enfermé. José Bové, chaque fois que tu passeras. José Bové, un McDo tombera. Ouais. José Bové, on est à tes côtés. José Bové, même si t'es enfermé. José Bové, chaque fois que tu passeras. José Bové, un sale McDo, un sale McDo, un sale McDo, un sale McDo, un sale McDo tombera. 1, 2, 3, 4 et poum. Bon bah j'y vais alors. Où ça? Bah chez McDo. Qu'est-ce qui est cool? Hein? Oh non, rien, tiens. Prends un Mars. Merci. Je voudrais m'adresser à vous qui me regardez. Vous qui doutez des OGM. Vous avez raison. Mais laissez-moi vous expliquer. Sur un champ comme celui-là, un champ où vous avez peut-être connu vos premiers émois amoureux, un champ qui appartient peut-être à un être cher, un champ où vous avez peut-être vu gambader un fond ou une biche heureuse, eh bien ce champ, grâce aux OGM, peut nourrir 50 000 petits Africains orphelins qui pleurent seuls dans la nuit. Vous ne laisserez pas des enfants mourir le ventre vide, n'est-ce pas? Regardez le flambé des prix, du blé, du riz, qui provoque des émeutes de la faim partout dans le monde. Avec des OGM, terminez les émeutes de la faim. Terminez aussi le réchauffement de la planète, rien qu'en achetant des OGM. On pourrait stopper les guerres et faire pousser des fleurs, faire tomber la pluie dans les régions où les gens en manquent cruellement, ou bien au contraire, faire apparaître le soleil là où il est trop rarement présent. Les OGM, c'est l'essence gratuite à vie. C'est la disparition des impôts, de l'interdiction de boire au volant, de fumer dans les lieux publics. Avec un grain de maïs OGM, on pourrait faire revivre votre petit chaton mort. Grâce aux OGM, vous deviendrez propriétaire de la maison de vos rêves avec piscine. Les enfants ne seront plus obligés de couper la viande et il y aura des frites. Alors, vous écoutez encore ces militants anti-OGM qui veulent vous voir malades et pauvres, qui ne désirent qu'une chose, la disparition de toute vie sur Terre, et qui, au fond d'eux, sont jaloux du bonheur que les OGM vous promettent. C'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil, si t'es pas à Marseille. BXL, ouais c'est Bruxelles. BXL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers, on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Je fais pas le mou, ce sera les radis. Nos mood, on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le cou. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint notre trou. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions. Tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteurs, ici on a des porriques. Si tu fais ta bête, ou ton petit marron. Ici tu pousses des bêtes, et des petits marrons. Yo, c'est quoi notre quartier? C'est le potager, qu'est-ce qui fait kiffer? Être un walpé. Tout le monde t'a cavalé, tout le monde t'en moirou. Personne qui parle, personne qui reste un carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager, qu'est-ce qui fait kiffer? Être un walpé. Tout le monde sans cochon et tout le monde sans poney. Et même sans arbre, personne ne reste au collet. TSP, mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP, mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le pot, mais dans la science de bois. TSP, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSP, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au bout. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu viens la château. Étape 4, t'arrêtes la chasse et t'adoptes le saut. Le caca dans l'eau, c'est fini. Le plouf, c'est fini. Les bêtes rouillées, c'est fini. Les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi. Au Maroc, tout le monde dit oui. À la campagne, à Paris, tout le monde l'apprécie. C'est des danseurs, caca, caca, caca. Alors rejoins le toilette, c'est pour moi. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être un walpé. Tout le monde t'a carotte et tout le monde sont pas roux. Personne qui parle, personne qui reste dans le carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être un walpé. Tout le monde sont cochons et tout le monde sont connés. Et même sans avoir personne ne reste sur le côté. Mais on fait dans ta gueule, oui, on sait recycler. Nous, on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger, j'ai gagné au tiers. C'est trop cool pour rien branler, mais j'étais affamé. Alors j'ai eu l'idée d'apprendre à labourer, planter mes poils de carottes et d'en récolter du blé. Pour des raisons alimentaires, je cultive la terre, me shoot au nucléaire. Mec, je connais les affaires. Micropops aux légumes, aux graines, aux pistils. Maintenant, je prends des agrumes comme les hommes de Shaquille. Dimanche, j'ai mon tracteur en mode gangster. La 7K à l'envers pour renifler la terre. Peigne dans ta gueule, tu nous as reconnus. Les fermiers sont à genoux et les vaches dévêtues. J'en place une pour mon crew. Les pesticides sauvages, on rajoute du goût. Fais passer le message. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être un walpé. Tout le monde t'a carotte et tout le monde s'en poireau. Personne qui parle, personne qui reste un carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer? Être un walpé. Tout le monde t'en cochon et tout le monde t'en poiré. Et même sans avoir personne ne reste un côté. République 2012, Yoya, Yoya, Bruxelles, Belgique. Pour atteindre l'âge de raison, la vie des sages est consultée pour prendre une décision. Esprit sauvage écouté dans les vapeurs d'une décoction. Une dévotion millénaire au soleil, à la terre. Un savoir ancestral sur le ciel et ses mystères. Plante médicinale délivrée dans une prière. Nomade pour subsister suivant le cours de la rivière. Forêt savane ou montagne foulant des pierres, des dunes de sable. Pieds nus, vêtus de panne, gardien de croyance inébranlable. Décryptant chaque détail, chaque indice dans une étoile. Peau tatouée de symboles par un pigment végétal. Un oiseau messager porté par les secrets du vent, par un souffle qui présage et qui sacre le vivant. Le temps défile lentement, tel un mouvement de nuages, ressentant les vibrations des éléments quand vient l'orage. Amérique, Afrique, Asie, archipel de l'Océanie. Tant de peuples dignes, résistants pour leur survie, que l'Occident acculturant qualifie de primitifs, puis expropriés de leur terre dans un élan répressif pour un barrage, un gisement, un prétexte au développement, réduisant à néant des millénaires d'enseignements, d'héritage de connaissances. conscience sur le sens de l'existence. À l'aube de la prise de conscience, les préserver est une urgence jusqu'à nos jungles de béton. Le rappel doit retentir, que nos voix scandent à l'unisson. L'univers s'est ressenti, révélant la solution plus essentielle qu'un repentir dans une quête de guérison. D'une planète assujettie où les frontières deviennent des murs, le profit, la seule culture où se trouble le futur, creusant notre propre sépulture. Du nord au sud, se relier pour cicatriser nos blessures. Unique mission pour reconstruire, bâtir une nouvelle issue. L'essentiel dans une goutte d'eau, dans un rayon de lumière. Un peu de terre, un peu d'air, et la vie prendra matière. Au fond, peu de choses sont nécessaires pour faire machine arrière, pour entrevoir l'évolution bien au-delà de leur fourmilière. Pour seul guide, l'intuition qui nous murmure à l'épaule de viser l'autogestion, de ne plus croire à des idoles. Le regard vers l'horizon, le cœur en guise de boussole. Peuple gardien de la terre, véritable est ta parole. Peuple gardien de la terre, véritable est ta parole. A tous les peuples indigènes, para mi hermanos, para mi hermanas, para todos los pueblos indígenas, tous les peuples autochtones, hasta siempre, sigue la lucha. L'utopie, quatuor mortis, plume. Pachamama, Pachamama, cherche à ma mort. Quel homme ne serait-il pas le diable? Vous m'avez bien compris, la terre en esprit. Pachamama, Pachamama, l'homme ne serait-il pas le diable? Vous m'avez bien compris, la terre en esprit. Pachamama, Pachamama, l'homme ne serait-il pas le diable? Vous m'avez bien compris, la terre en esprit. Chacun construit sa vie, mais faut surtout pas oublier qu'on y est tous réunis au sein d'une même mère, que l'on appelle la terre et qui fait ainsi de nous tous des frères. Alors, bros, assiste à ne vous chamaillez pas, car vous savez, la seule qu'on bâtit réellement, c'est ma maman. Ma matière, je ne sais vraiment pas pourquoi certains te font du mal et d'autres ne te respectent pas. Ils n'ont sûrement pas pris conscience que sans toi, ils ne seraient pas là et que c'est toi qui nous porte chaque jour à bout de bras. Un petit message écolo, les usines qui fument de trop et ceux qui prennent leur pied à amasser les troncs d'arbres qui l'ont poussé. Même pas abusé de son hospitalité, elle nous reçoit comme des rois, nous jouons pas les enfants gâtés. Il y a un grand pays qui dans We are looking for peace. Without we go to only Mount Zion. We are looking for peace. Without we go to only Mount Zion. Oh maman, non s'il te plaît ne pleure pas. Je sais que les eaux montent et que les terres descendent. Viens trop va toucher en ton plein cœur du grand berceau Africa. Il faut tout de même te relever pour ceux qui croient toujours en toi. Car quand l'on parle de toi ici-bas, les visages ne sont pas tous au terre et ne restent pas tous froids. Certains ont pris conscience de l'importance que tu as et luttent chaque jour à leur manière pour ce combat. J'espère profondément que toi aussi tu fais partie de cela. Que tu sais à quel point un coucher de soleil ça s'explique pas. Et pour que nos enfants, eux aussi, ils puissent avoir des tâches. Je te propose de t'allier avec moi pour ma main. We are looking for peace, without we go to only Mount Zion. We are looking for peace, without we go to only Mount Zion. We are looking for peace, without we go to only Mount Zion. Oh maman, tu me donnes chaque jour la terre promise. Mais malheureusement dans ce monde il n'y a pas que des monies. Qui pour avancer ne s'appuie pas sur le bâton. Mais mis sous toujours plus de pouvoir sur la terre, toujours plus d'emprise. Mais mis à part ces gens-là, je sais que nombreux sont là et sont d'accord avec moi pour faire avancer maman. Pour que chaque jour ça fasse dans ce sens-là, pour que la terre faire à nouveau des courses sans que la situation ne tourne pour et maman Terra, tu nous donnes tout ce que tu as sans différencier les bons du mauvais. Tu donnes même aux vampires, ha ha. Maman Terra, tu ne puisses qu'à t'essouffler parfois, mais prends bien garde, car un jour tu ne t'en relèveras pas. I have a dream. We are looking for peace, without we go to only Mount Zion. We are looking for peace, without we go to only Mount Zion. We are looking for peace, without we go to only Mount Zion. Our communication in the only Mount Zion. We found a nation for our children, which is called Zion. The best in 6 million, but in the land of Zion. We are to move up, move up, move up to Zion. We say move up, move up, move up to Zion. Now get a feed the humanity Zion. Since Emilia is my friend and I'm in Zion. Now get a feed the humanity Zion. We are to move up, move up, move up to Zion. Move up, move up, move up to Zion. Tu fais ton bif avant d'avoir du cancer à Coca-Cola. Dans quelques années, tu rentres dans la bourse. Tes droits exacerbés, plus rien ne te gêne dans ta course. Une grande soif s'éveille dans tes entrailles. Puis tu te mets au travail, tu cherches un peu plus de cobayes. Plastique et aspirine, ça se concrétise. Tu tues plein tes insectes avec piquet, tu fais du bise. Et il faudra attendre la guerre au Vietnam pour mieux te voir à l'œuvre en balançant ton arme. Y et encore aujourd'hui font souffrir des gens dans l'oubli. Alors je dénonce ceci, tu crées le mal au nom du profit. Monsanto, le céréal killer, arrête tes merdes, tu vis pendant que nous on meurt. Monsanto, le céréal killer, tes crimes contre l'humanité devront un jour être payés. Monsanto. Monsanto. Ça continue, Roundup et pesticides, hormones de croissance, et la vache devient folle. Tu vends ta cape aux sportifs, tu tues mes potes les arbres, ça mérite un coup dans le pif. C'est là que viennent tes précieux OGM. Tu t'attaques à l'agriculture pour assurer ton futur. Ta monopole, la richesse et les banquiers. Il ne reste plus que les peuples pour réussir à t'arrêter. Agent orange, herbicide et abus de ta génétique. Ils doivent se payer car ça craint le volume de ma clique. On en a assez d'être empoisonné par ton homicide vénal. Alors je dénonce ceci. Tu crées le mal au nom du profit. Monsanto, le céréal killer, arrête tes meurtres, toi tu vis pendant que nous on meurt. Monsanto, le céréal killer, tes crimes contre l'humanité devront un jour être payés. Monsanto. Monsanto. Monsanto, le céréal killer, arrête tes meurtres, tu vis pendant que nous on meurt. Monsanto, le céréal killer, tes crimes contre l'humanité devront un jour être payés. Monsanto. Monsanto. Monsanto, le céréal killer, arrête tes meurtres, tu vis pendant que nous on meurt. Monsanto, le céréal killer, tes crimes contre l'humanité devront un jour être payés. Monsanto. Monsanto. Les les éléments se révoltent comme ceux qui ne veulent plus subir. On a trop vu l'essor et trop vécu l'injustice. De chaque côté du globe, la même urgence se dessine. Mais qu'est-ce que sera l'avenir si on ne peut pas voir les signes? Voici la dernière génération. Plus jamais l'être humain se résigne. Dernière chute ou l'élévation. C'est maintenant qu'on décide. Attends-tu l'accélération? Battement de plus en plus vite. Wesh, notre étoile s'éteint. L'humain s'éteint. Et leur dire qu'il y a urgence, y a urgence, y a urgence, y a urgence. La terre tremble, bat-elle atteint ses limites. Ouais, y a urgence, y a urgence, y a urgence, y a urgence. Sous la haine et la haine, partout, partout, elle sème la peine. Et qu'il y a urgence, y a urgence, y a urgence, y a urgence. Comme sur la table, l'être humain se suicide. Ouais, y a urgence, y a urgence, y a urgence, y a urgence, y a urgence, y a urgence, y a urgence, y a urgence. Qui nous gouverne, besoin d'oxygène dans les sphères politiciennes. Yo, y'a qu'un excuse, pas on prend les gens pour des cons. Parce qu'on n'est pas content quand on le prend pour un con. Les médias, la politique, ça n'est simulation, le fond. Fuck tous les fanan, manipulation, avant de magouille, magouille, ça trifouille. Les politiques sont des truands qui savent parler aux foules et les fous. comme leur chiffre d'arcade, les bateaux qui coulent. L'entropie est en hausse, tellement de mélange, business roule. Tu vois le hypnose, les gars sont sur les mic. En mode cinétique, je viens semer la panique. Lâche mon flow pour changer les données climatiques. Faut que ça chauffe et que les fessiers bougent de manière énergique. Ouais, je ne vois qu'un ouais négatif qui prend de l'ampleur. Je ne suis pas sur terre, non, pour servir un empereur ni d'empire. Je ne vois qu'une situation, le pire en pire de part en part. On veut te surveiller pour voir si tu délires. Caméra par-ci, caméra par-là. Policier par-ci, policier par-là. Contrôle par-ci, contrôle par-là. Elle est restée par la porte de sortie qui s'en va mais pas plus. Caméra par-ci, caméra par-là. Policier par-ci, policier par-là. Contrôle par-ci, contrôle par-là. Elle est restée par la porte de sortie qui s'en va. Yo. Hey, hey, oh. Fais d'un ton là. Numéro 2 que je reviens mettre le feu. Fire burn. Sur tous ces connards et tous ces gros merdeux. Fire burn. Les mecs qui veulent t'emmailler tes meilleurs veux rappelle-toi que les hommes qui te manipulent là-haut ça n'est pas que du voile. Vide l'or noir qui monte comme une flèche. Les politiques, les businessmen sont tous de mèche pour te faire acclimat. Pour que la vie te soit plus riche. On soit de pouvoir c'est notre unité qui nous assèche. Ça fait boum. Tout se noircit autour de nous. Boum. Tombe les bombes et les mondes ne rend fou. Ça fait boum. Tout se noircit autour de nous. Tombe les bombes, les mondes me rend fou. C'est pour que les massifs se bougent, que je reviens ici et là. Voir c'est constater que beaucoup de gens sont trop gaga. Alors on se rassemble autour d'un coup c'est l'état. On fait la fête et le monde veut monter. Oh yo, oh yo, oh yo. Soum, caméra par-ci, caméra par-là. Boum, policier par-ci, policier par-là. Boum, contrôle par-ci, contrôle par-là. Le respect pas la porte de sortie qui s'en va. Mais ça fait soum, caméra par-ci, caméra par-là. Boum, policier par-ci, policier par-là. Contrôle par-ci, contrôle par-là. Mais le respect par la bande de sortie qui s'en va. Yo! Mais je suis la seule à être aussi particulière. Pur hasard, coïncidence, vous m'appelez la planète Terre. Je ne suis qu'un bout de matière qui a su abriter la vie. Je vous porte depuis des siècles, je suis votre seul abri. Je vous ai vu évoluer, déployer votre génie. Mais jamais je n'aurais cru qu'il mènerait à une tragédie. Au début, si je remonte les méandres de ma mémoire, vous n'étiez qu'une poignée au commencement de l'histoire. Mais quelque chose de différent vous a donné l'envie de croire que rien n'est impossible, qu'il suffit juste de le vouloir. Seulement voilà, ce sentiment vous a donné tant de pouvoir qui vous a rendu capable de vous croire maître d'un territoire. Tu vu tant de civilisations, leur apogée et leur déclin. Et pour chacune à la fin, c'était chaque fois le même refrain. Vous les humains, vous ne tirez donc aucune leçon de votre passé. Car mon sol est imprégné de votre sang qui s'est déversé. Partout sur tous les continents, cette même soif d'avidité. Et dans vos mains, toujours ces armes maniées avec habileté. Votre intelligence n'a d'égal que votre stupidité. Et combien parmi vous ressentent la culpabilité. Ouvrez les yeux, faites enfin face à vos responsabilités. Car en plus du fratricide, c'est matricide qui a débuté. Combien de massacres supplémentaires vous faudra-t-il pour comprendre que sous vos pieds règne la vie, que vous faites partie de l'ensemble. Quand chacun d'entre vous, tous mes éléments s'assemblent et que vous en paierez le prix. À trop faire comme bon vous semble, vos actes donnent froid dans le dos. À vrai dire, des fois j'en tremble car je me sens si malade que de moi-même je ne suis que l'ombre. Quand une espèce disparaît, pour moi c'est un enfant qui succombe. Je n'en peux plus de supporter cette infinie hécatombe. Vous parlez de fin du monde, alors allez-y, tuez-moi. Matérialisme, égocentrisme sont tous deux devenus rois. Un océan de résignation dans lequel vos esprits noirs est un fléau qui nous entraîne au plus profond des abysses noirs. Pourquoi me vouloir autant de mal? Quelle vengeance pour quelle victoire? Pourquoi m'aimer si peu? Ma souffrance est-elle un exutoire? Ma douleur est immense, mais malgré tout, je tiens encore. Car je vois parmi vous ceux qui refusent ma mise à mort. Il n'est jamais trop tard pour que les consciences soient reliées. Minéral, végétal, animal, tout est lié. Tel des bouts de solution, un pulse à reconstituer. Voilà le secret de ma beauté que vous nommez biose. diversité, une harmonie ancestrale que l'on croirait immuable, qui est pourtant si fragile, qui est pourtant si vulnérable, si simple et si complexe. Sa valeur est inestimable quand votre espèce la considère comme une ressource exploitable. Vous effaitons de mes richesses que vous n'avez su partager, pillager, destruction m'a surfacé, dévisagé. Moi la mère, nourricière, jamais je n'aurais pu présager l'ingratitude de mes fils, la barbarie de vos projets, réduite à un simple objet, à une masse totalement inerte, par des automates qui ne font que courir à leur perte. Quand la parole de vos anciens annonçait la tempête, vous avez fait la sourde oreille, rêvant à d'autres conquêtes. Fille de 4 milliards d'années, il n'aura fallu qu'un siècle pour me voir condamné par des pantins guidés par 7. Quand Cybèle se trouve pillée, parcelle après parcelle, jusqu'à quand va briller l'étincelle qu'elle recèle, pas de recette miracle. Votre développement durable, sous son air affable, donne bonne conscience au capital. Plus de fables ni de légendes, je vois peu de colibris s'efforçant avec courage d'éteindre l'incendie. Fille du soleil, des étoiles, éversées par l'univers, leurs vibrations sont les miennes, je les insuffle dans vos cœurs. Arrêtez-vous, écoutez ce qui résonne dans vos poitrines, ressentez le souffle qui vous anime, oubliez ce qui vous endoctrine. Vous avez eu l'illusion que le bonheur est dans l'avoir, manipulé par la peur, enfermé dans vos tours d'ivoire, aveuglé par une machine qui vous broiera sur son passage. À vous de changer de trajectoire et de faire passer le message. Reste que quelques minutes à ma vie. Pour plus quelques heures, je sens que je faiblis. Pour faire et mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, il tombait encore de la neige en hiver. Dans ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique, ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont engloutilisé et que les inondations ont frappé les grandes villes, et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Thank you. j'aime, OGM, j'aime. Les taïgos font la guerre au agroalimentaire. OGM, j'aime, OGM, j'aime. Le bio, c'est la clé qui fait déborder le système. OGM, j'aime, OGM, j'aime. Monsanto, c'est ma santé, mon antibio, c'est ma fierté. OGM, j'aime, OGM, j'aime. L-E-S-T-R-E-U-S-R-U, les petits profiteurs. Les agriculteurs mettent en pleurs les bouffeurs exploités aux premières lueurs. Affamés le corps en sueur, ils produisent en secret du fromage analogue. En pleurnichant sur les subventions pour s'acheter de la drogue. Au moment des moissons, ils augmentent le débit de poisson. Ils viennent les épouvantailles et sodomisent le bétail. Mais tout n'est pas si rose en la vie des bio. Fermier, quand tu vois les prix qu'ils ont aux affichés sur le marché. Les végétariens, ils ont toujours la gastro avec leur carence alimentaire et leur libido zéro. Ils se reproduisent par insémination artisanale car toutes les meufs bio ont des verrues génitales. Les taillis bio n'aiment pas le pétrole et roulent en bagnole. Critique l'État et profite du RSA. Anti-nucléaire, ils en dépendent pour la lumière et nous emmerdent pour l'empreinte qu'on laissera sur Terre. Des bioniques, pratiques, anéthiques, utopiques, sans logique, alcooliques, mélancoliques et névrotiques, emboutés à coup sûr. Des conquistadors, une saveur de dictature inodore et incolore. OGM, j'aime, OGM, j'aime. Les taïgos font la guerre au poisson alimentaire. OGM, j'aime, OGM, j'aime. Le bio, c'est la clé qui fait déborder le système. OGM, j'aime, OGM, j'aime. Monsanto, c'est ma santé, mon antibio, c'est ma fierté. OGM, j'aime, OGM, j'aime. L-E-S-T-R-O-U-S-R-U, les trous du cru. Le bio, c'est comme la Corée du Nord. Quand l'Islave les Danès, après, ils puent encore. Le bio, c'est comme la théorie du complot. Israélité par des francs-maçons, alcoolo et colo. Le vin sans sulfite, c'est comme un McDo sans frites. Le Nutella sans une de panne, c'est comme le Vietnam sans naval. Le maïs sans OGM, c'est comme un orifice. Les légumes sans hydro, c'est comme l'amour sans soda. Dès que tu vois marqué écho sur un emballage, faut bannir. En général, y'a un petit logo vert et c'est 4 fois plus cher. L'arnaque est dans le pré, et c'est près de chez vous. Corps au biocop, plonge l'assaut, il faut bloquer ses sous. Faut que le bio s'en aille, faut que l'hydro travaille. Faut virer ces pique-niques de leur maison de paille. Autoproclamé, bio fermé, personne pour contrôler. Faire exploser la vérité sur ces anards subventionnés. Ouais, ouais. OGM, j'aime, OGM, j'aime. Les taïgos font la guerre au agroalimentaire. OGM, j'aime, OGM, j'aime. Le bio, c'est la clé qui fait déborder le système. OGM, j'aime, OGM, j'aime. Monsanto, c'est ma santé, mon antibio, c'est ma fierté. OGM, j'aime, OGM, j'aime. L-E-S-T-R-O-U-S-T-R-U, les trous du cru. Un fusil de chou. Tout aura des morts. Nous nous excusons de ce piratage. Tout simplement par des personnes pro-OGM. Nous repartons tout de suite avec Monsanto, Monsanto, Monsanto, Monsanto, Monsanto, Parasite. Misérable, t'as oublié que les paysans, Monsanto, misérable, sont les les héritiers du bon sens. Monsanto, misérable, pied sur terre et droit devant. Monsanto, Monsanto, misérable, avec ton blé bien récolté. Monsanto, misérable, tu frappes à l'unanimité. Monsanto, misérable, cœur de toute l'humanité. Monsanto. Monsanto CA, elle est trop vilaine ta vitrine. Monsanto CA, elle est trop vilaine ton usine. Monsanto CA, trop vilaine tes misées putrides. Monsanto, Monsanto parasite, t'as plus grand chose de bien à faire. Monsanto parasite, à part laisser cultiver la terre. Monsanto parasite, à ceux qui savent encore le faire. Monsanto. Monsanto, et rentabilité, ne laisse pas de place pour la qualité. Pas de pitié sur le marché, l'économie doit tout dévorer. Aujourd'hui encore, les aliments proviennent de la terre, mais depuis quelques années, la productivité leur a déclaré la guerre. Thank you. Allez, après toute cette violence, un petit message de paix. Alors on va essayer de mettre celle-là sur vidéo, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et un Redim que très peu de gens ont exploité pour faire des chansons. Personne d'ailleurs, je crois. Écoute ça. Message de paix. Fréquence pirate. Quand est-ce qu'on casse le schéma? Un message de paix à ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ces si belles années. Regarde ceux qui passent, tous différents, c'est un peu tous du même espace, mais luttons pour protéger. On ne veut pas de race, des racines bien plantées, que tout le monde fasse la paix avec son entourage étranger ou français. Jetons aux ordures les préjugés. Un message de paix à ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ces si belles années. Regarde ceux qui passent, tous différents, c'est un peu tous du même espace, mais luttons pour protéger. On ne veut pas de race, des racines bien plantées, que tout le monde fasse la paix avec son entourage étranger ou français. Jetons aux ordures les préjugés. Tous frères unis dans la galère, frères vraiment le sang nous. Tous frères combattons la misère, fiers de former un tout. Tous frères abattons les frontières et bienvenue chez nous. Même si tu n'es pas de la terre, t'en fais pas, on s'en fout. Message de paix à ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ces si belles années. Regarde ceux qui passent, tous différents, c'est un peu tous du même espace, mais luttons pour protéger. On ne veut pas de race, des racines bien plantées, que tout le monde fasse la paix avec son entourage étranger ou français. Jetons aux ordures les préjugés. Un message de paix à ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ces si belles années. Regarde ceux qui passent, tous différents, c'est un peu tous du même espace, mais luttons pour protéger. On ne veut pas de race, des racines bien plantées, que tout le monde fasse la paix avec son entourage étranger ou français. Jetons aux ordures les préjugés. Un message de paix à ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ses si belles années. Regarde ceux qui passent, tous différents, c'est un fait, tous du même espace, mais luttons pour le protéger. On ne veut pas de race, des racines bien plantées, que tout le monde fasse la paix avec son entourage étranger ou français. Jetons aux ordures les préjugés. Si on cesse ces guerres impitoyables, on arrête de chercher des coups. On rendrait notre vie bien plus belle qu'elle ne l'est. Est-ce que ce n'est pas vain? Mais d'avant sur terre une telle diversité. Pour le moins je viens fait des poupins. Un message de paix à ceux qui veulent profiter. Voilà. C'était tout simplement ce magnifique Fréquence Pirate pour la marche contre Monsanto de cette année. Nous allons nous quitter avec un vieux tube de Billy the Kick et les gamins en folie pour tous les nostalgiques. Et le tube s'appelle Roundup. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec cette programmation musicale. Contre Monsanto, Bayer, Syngenta et j'en passe. Contre Monsanto et son monde. Voici Roundup pour finir cette programmation musicale. En douceur et dans la joie. À l'année prochaine. Salut, je m'appelle Charlie. Je suis paysan dans le Missouri. Salut. La, la, la. Salut, je m'appelle Charlie. J'aime la terre, les légumes et les fruits, l'air pur, les sauterelles et les pissenlits. La la la. La la la. Ils ont rappliqué chez moi des promesses plein les bras. Arrose de Roundup tes hectares. Ils rempliront tes hangars. Fais confiance au génie génétique. L'avenir c'est le transgénique. Roundup, Roundup, ta terre est accro. Toujours plus de Roundup il lui faut. Roundup, les hommes en costard pour t'approvisionner ne sont jamais en retard. Pousse, pousse. mormeille. À force de mes bouches encrassées, je laboure en combi stérilisé. Y'a plus que du maïs à perte de vue. Les papillons et les oiseaux ont disparu. Rendez-moi ma tête et ta peau. Toujours plus de rendez-vous, il lui faut. Rendez-moi plus de mon costard. Pour t'approvisionner, ne sont jamais en retard. Ma parole, Charlie, mais t'as cramé la campagne. Il a cramé la campagne. Ta terre est en main cousue immense. Aujourd'hui j'ai remis la dose. Elle a franchi le seuil de tolérance. J'accomplis ma métamorphose. Les barons de la série attendent. Et je me saoule. Le système féodal mondial, Charlie, t'a corrompu. Au rang d'un oui, je me saoule. D'un bon Dieu, oui, je me saoule. Et tu cours dans les dunes, et tu hurles à la lune. Charlie, on t'entend d'ici. Mon centaure, tu as fait de moi ton esclave. Pourquoi? Tu as fait de moi ton esclave.